بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. مر بنا أمس أن المسألة الأولى هي أن أهل الجاهلية كانوا يشركون بالله تعالى في العبادة. La première masala qu'on a appris hier, c'était que le fait que les mushrikoun, parmi leurs caractéristiques, le shirk, qui est la principale et celle à laquelle s'est opposé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. واليوم سنأخذ المسألة الثانية التي هي تفرق أهل الجاهلية في عبادتهم ودينهم. Donc la deuxième masala qu'on prend aujourd'hui, c'est la division présente dans les gens de la jahiliya dans leurs adorations et leurs religions. C'est-à-dire volontairement ils se divisent. Donc parmi les sifats des gens de la jahiliya, d'être divisés. Et vous regarderez bien, vous constaterez que ces masa'il ressemblent à celles de Al-Qawaid ou Rasul Sita Al-Azima, qui était la première, qui était l'Ikhlas. La deuxième, qui était l'union. Wa Aydhalika. La troisième, qui était le fait d'écouter et d'obéir. Tamam. Faqala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala. Annahum muftalikuna fi dinihim. Kama qala ta'ala. كل حزب بما لديهم فرحون وكذلك في دنياهم ويرون ان ذلك هو الصواب. Donc ils disent qu'ils sont divisés dans leur religion, comme Allah dans le sens où il dit que chaque partie, dans le sens où il dit chaque partie se réjouit de ce qu'il possède. Naam. Et également de leur dunya. Et ils voient que cela est une chose correcte. C'est-à-dire cette division n'est pas une chose qui a lieu malgré eux, mais c'est une chose correcte. فأتى بالاجتماع في الدين بقول الله عز وجل شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Donc Allah est venu par le fait de s'unir dans la religion, dans sa parole, dans le sens où il dit qui vous a légiféré en religion ce qu'il a exhorté auparavant à Nuh, ce qu'il a exhorté également qui t'a exhorté également à toi, et ce que nous avons exhorté à Ibrahim, à Moussa et à Isa, d'accomplir la religion, et ne vous divisez pas dans cette religion. Donc Allah Ta'ala, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَيْسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Dans le sens où Allah dit, et certes ceux qui se sont divisés dans leur religion, ils étaient des partis, tu n'es en rien avec eux, c'est-à-dire tu es innocent d'eux. وَنَاهُمْ عَنْ مُشَابَهَتِهِمْ بِقَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Il leur a interdit de leur ressembler, c'est-à-dire il a interdit aux musulmans de ressembler aux jahiliyin dans sa parole où il dit et ne soyez pas comme ceux qui sont divisés et qui ont divergé après que l'éclaircissement leur soit venu, l'épreuve leur soit venue. وَنَهَانَا عَنْ تَفَرَّقُوا فِي الدُّنْيَا بِقَوْلِهِ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Il nous a interdit même de nous diviser en cette dunya par sa parole, dans le sens où il dit et accrochez-vous tous à la religion d'Allah et ne vous divisez pas. Donc ça c'était le matn, la parole de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Donc là Cheikh Fawzan reprend en disant dans le charh qu'il s'agit là deuxième point dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est opposé aux mushrikin, les gens de la jahiliya plutôt. Pourquoi? Car les gens de la jahiliya étaient divisés dans leur religion et dans leur dunya. Donc parmi leurs caractéristiques, la division, le désaccord, la divergence. Wa al-dhalika. هذه صفات أهل الجاهلية من اليهود والنصارى والوثنيين وسائر الملل الجاهلية. Donc ça c'est parmi leurs caractéristiques. Leurs caractéristiques, des gens de la jahiliya, parmi les juifs, parmi les chrétiens, parmi les idolâtres, et toutes les autres communautés. كانوا على هذا النمط مفترقين في دينهم كل منهم له دين ينادي به وينتسب إليه. Ils avaient tous leur religion, leur communauté à laquelle ils appelaient. Donc le chrétien appelé au christianisme, le juif appelé au judaïsme, et chaque religion où chaque communauté mécréante appelait à sa mécréance. Comme a dit Allah, « وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَ عَلَى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ » Dans le sens où Allah dit que les chrétiens, ou plutôt les juifs, ont dit que les chrétiens ne sont sur rien. Et que les chrétiens disent que les juifs ne sont sur rien. Alors qu'ils lisent le livre. Et c'est comme ça, et telles furent les paroles de ceux qui ne savent pas. C'est-à-dire ceux qui ne savent pas, les ignorants, disaient comme eux. Et eux, Al-Lazina Layalamoun, c'est quoi le cost? C'est les mouchilekon. Ceux qui ne savent pas, c'est les mouchilekon. Car ils n'ont pas de livre, et ils n'avaient pas de religion divine, c'est-à-dire venue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, eux, ils rendent mécréants, ils se rendent mécréants les uns les autres. Et s'opposent les uns aux autres. وقال تعالى فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Et que Allah jugera entre eux le jour de la résurrection sur ce sur quoi ils divergèrent. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va démontrer qui était sur la vérité et qui était sur le faux. Alors que la religion d'Allah n'est qu'une. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Dans le sens, Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Il dit également, ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et celui qui a créé ceux d'avant vous, afin que vous craigniez. فَدِينُ اللَّهِ وَاحِدٌ الْجَمِيعُ الْخَلْقُ مِنْ يَهُودِي وَنَصْرَانِي وَوَثَنِي وَعَرَبِي وَعَجَمِي فَدِينُ اللَّهِ وَاحِدٌ وَعِبَادَتُهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لكن هؤلاء فرقوا دينهم وصاروا لكل طائفة منهم دين يختلف عن وصار لكل طائفة منهم دين يختلف عن الدين الآخر. Donc la religion de Allah n'est qu'une. Pour le juif, pour le chrétien, pour l'idolâtre, pour l'arabe, pour le non-arabe, c'est une seule religion qui est son adoration seule sans rien lui associer. Mais cependant ces gens-là ont divisé et sont devenus sur des communautés qui divergent les unes des autres. فَالْيَهُودُ أَنْفُسُهُمْ كَانُوا مُخْتَلِفِينَ فِي مَا بَيْنَهُمْ وَالنَّصَارَى كَانُوا مُخْتَلِفِينَ كَانُوا فُرُقًا مُخْتَلِفَةً وَهُمْ إِلَى الْآنِ عَلَى اخْتِلَافٍ. Et que les juifs étaient eux-mêmes divisés entre eux. Et que les chrétiens étaient eux-mêmes divisés entre eux. Et jusqu'à aujourd'hui sont divisions. Et le hadith se confirme, comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que افترقت اليهود على واحدة و سبعين فرقة على إحدى وسبعين فرقة وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كذلك وكلها في النار إلا واحدة. قالوا ما هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. Les juifs vont se diviser en 71 sectes, que les chrétiens vont se diviser en 72 sectes, et cette communauté en 73 sectes. Et toutes sont au feu, à part une. Ils ont dit, qui sont-ils? Au messager d'Allah, il a dit, c'est sur quoi je suis, moi et mes compagnons. C'est-à-dire la voix des salafs. Donc les sectes qui se divisent, même en islam, il y a, fihim tashabbuh bi ahl al-jahiliya. Les sectes déviantes en islam, en cela, ressemblaient aux gens de la jahiliya en se divisant. Car ce sont eux qui sont divisés de la communauté. Et lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé ce hadith, ce n'est pas une chose qu'il approuve, c'est il informe d'une chose qui se passera. Plein de hadiths sont venus comme ça, où il informe de choses dans l'avenir, cela ne veut pas dire qu'il les approuve ou qu'elles sont bien, mais il informe de ce qui va se passer. Pareil, là le shir dit toujours que les arabes également, idolâtres, étaient divisés dans leurs adorations. Parmi eux ceux qui adoraient le soleil, parmi eux ceux qui adoraient la lune, parmi eux ceux qui adoraient les idoles, et parmi eux ceux qui adoraient les anges, et parmi eux ceux qui adoraient les awliya et les salihin, et parmi eux ceux qui adoraient les arbres et les pierres. Comme قال في قول الله عز وجل كل حزب بما لديهم فرحون, que chaque parti se réjouit de ce qu'il possède. وهذا من تمام العقوبة والابتلاء كون الإنسان يفرح بما هو عليه من الباطل وكان الواجب العكس. وأن الإنسان يخاف من الضلال ويخاف من الانحراف ويخاف من الهلاك لكن هؤلاء بالعكس كل حزب بما لديهم فرحون. Que ça, c'est le pur châtiment, la pure épreuve, que la personne se vante, se réjouisse du faux sur lequel elle se trouve. Alors qu'à la base, l'obligation, c'est le contraire, d'être sur la vérité. Que la personne ait peur de l'égarement, qu'il ait peur de la déviance, qu'il ait peur de la perdition. Et eux, c'est le contraire. Ils sont contents de ce qu'ils ont comme faux. D'accord? Sans même regarder Est-ce que ce sur quoi ils sont est véridique ou pas? Le plus important pour eux, c'est de poursuivre sur ce quoi était leur père, leur grand-père, ou leur peuple, ou leur tribu, ou leurs proches, ou ce qu'ils ont dans leur tête. Qu'il soit vrai ou pas. Et ça également, c'est un point qui va venir par la suite dans les Masa'il. Le fait de suivre les traces des ancêtres, coûte que coûte. Donc ça, c'est parmi les sifats des gens de la Jahiliya. Donc la religion, c'est Allah qui la décrète. Comme a dit Ta'ala, « Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Am lahum shuraka'u shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. » Ont-ils des associés qui l'auront légiféré ce que Allah n'a pas autorisé. Donc là, c'est un blâme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, la religion, c'est Allah qui la décrète. وأنزله في كتبه وعلى ألسنة رسله عليهم الصلاة والسلام فهو توقيفي. D'accord, sa religion, c'est ce qu'il a descendu dans ses livres sur les langues de ses messagers عليهم السلام. Et c'est-à-dire que la religion, elle est توقيفيه. توقيفي, c'est-à-dire qu'elle est basée que sur un décret divin, d'une preuve. Elle peut être le fruit d'un ijtihad, d'une chose que l'on s'imagine, que l'on pense ou qu'on verrait comme bonne de nous-mêmes. فالرسل إنما هم يبلغون عن الله عز وجل يبلغون عن الله ما شرعوا لعباده هذه وظيفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. Donc les messagers ne font que transmettre ce qui provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils enseignent à la création ce que Allah a légiféré. Telle est leur fonction. Et c'est une adoration pour eux. Et que les messagers, comme tout le monde, adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont l'adoration, la charia leur a imposé également, comme elle est à tous les autres. Cependant, eux, ils ont certaines particularités sur certains points, et parmi les principales, ce sont eux qui nous informent, et c'est eux que l'on doit suivre parmi les humains. Car ils sont les envoyés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas laissé les hommes en vain à errer sans but, depuis qu'il a fait descendre Adam alayhi salam du Jannah. Il ne nous a pas laissé sans religion. Il n'a cessé d'envoyer des messagers à chaque communauté, les uns après les autres, afin de nous informer et de nous apprendre. Jusqu'à au dernier qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui par lequel a été abrogé toutes les religions antérieures. Aujourd'hui, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est celui qu'on doit suivre. On doit tous se lire sur la législation qu'il a apportée. Alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Et ça se base sur quoi? Al-Kitab wa Sunnah. Comme a dit le Cheikh, فلا يوجد وقت من الأوقات إلا وهناك دين الله عز وجل جاءت به الرسل. وقال تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. Qu'il n'y a pas eu une seule époque, un seul temps, sans que la religion d'Allah soit là n'était présente, celle par laquelle est venu les messagers. C'est-à-dire à chaque époque, dans chaque communauté, une religion était présente. Comme encore l'État Allah, il n'y a pas eu de communauté sans qu'il n'y ait eu de messager, d'avertisseur. Encore l'État Allah, Rusulun Mubashirin wa Munzirin, li alla yakuna linnasi ala Allahi hujjatun ba'd ar-rusul. Des messagers, avertisseurs, annonciateurs, pour qu'il n'y ait aucun argument pour les gens sur Allah. Qu'ils ne disent pas, nous ne savions pas. Nous n'avons pas été informés. Personne ne nous est venu. Na, hadha ghayr maqbul, hadha mardud alayhim. Ma min umma ila jafiha nazir wa bashir. Cependant, les gens de la Jahiliya sont opposés à ce quoi sont venus les messagers. Et cela pourquoi? Par obstination ou par suivi de passion. Et tout particulièrement les juifs et les chrétiens. Pourquoi? Liannahum al-ilm bidhalika. Wa lidhalika samahumullahu ahl al-kitab min bab al-aib alayhim. أنهم أهل الكتاب وأهل العلم ومع هذا يخالفون أمر الله سبحانه وتعالى ويتبعون أهواءهم. Eux, Allah les a nommés les gens du livre. Pourquoi? Cela en guise de réprimande, en guise de reproche. Pourquoi? Car ils ont reçu les livres, donc la base, la science était avec eux. Cependant, ils s'y sont opposés à l'ordre d'Allah, et cela pourquoi? Par suivi de passion. Donc Allah nous a interdit de suivre leurs traces sur cela. وقال والاختلاف من طبيعة البشر لكن الله عز وجل أحالنا على كتاب والسنة إذا اختلفنا ولا ندري أينا المصيب نرجع إلى الكتاب والسنة فمن شهد له الكتاب والسنة بأنه حق أخذنا به ومن شهد أنه غير الحق تركناه. Donc il dit la divergence est une chose qui fait partie de la nature de l'homme. Cependant Allah subhanahu wa ta'ala nous a démontré comment résoudre le problème. Et ce problème se résout par le kitab wa sunnah. C'est-à-dire, si jamais on diverge sur une chose et on ignore qui a raison et qui a tort, alors la balance, c'est le kitab wa sunnah. Celui qui est en accord avec le kitab wa sunnah, on prend la vérité de lui. Et celui qui s'y oppose, on le délaisse. Car notre but en cela est de suivre la vérité. Et non pas de secourir les avis, les opinions, ou de subliminiser, on va dire, les pères, les grands-pères, les chouyours. هذا ليس من شأن المسلمين. الحق هو ضلة المؤمن. أينما وجد أخذ الحذف الحق. قال تعالى إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير لكم. Donc il dit, le but en cela, c'est que le musulman suit la vérité. Où qu'elle soit, qu'elle se trouve, il l'apprend. Le but est de suivre la vérité. Et ça, c'est un problème qu'on a actuellement dans la communauté, chez beaucoup de gens qui se basent sur leur tribu, sur leur coutume, ou sur le shir auquel ils s'attribuent, sur lequel ils se fanatisent, ne suivent que lui, n'acceptent que de lui. Quand bien même une vérité viendrait flagrante, il ne prendrait pas cette vérité tant que le shir Fulani n'a pas approuvé, n'a pas donné son aval. Un autre shir va venir, un shir salafi, va faire une fatwa, va donner un jugement basé sur un dalil clair. Les gens vont dans le doute tant que le shir auquel ils se rattachent, à qui ils reviennent, n'a pas dit je suis d'accord avec ce que le shir Fulani l'a dit. Alors que c'est devant leurs yeux. Hadi musiba azima. Le dalil est présent devant leurs yeux, cependant tant que shir Fulani n'a pas donné son aval, on n'agit pas. La ilaha illallah. Et ça, c'est parmi les sifats de qui? Al-jahiliya. Et ça va venir, inshallah, dans le bab taqlid. Fal-i'tisam bihablillahi wa al-i'tisam bil-kitab. Lianna al-kitab wa hablullahi al-mamdoud al-ladhi man tamassaka bihi naja wa man aflata minhu halak. Donc, on doit s'accrocher à quoi? Wa habl d'Allah. C'est-à-dire, son livre. Car c'est ça le Habdallah, c'est son livre. Celui qui s'y accroche réussira, et celui qui le délaisse périra. Après le shir, cita les formes de divergence qui existent. Dans Usul al-Sitta al-Azima, on avait déjà évoqué le point par rapport à ça. Lui vient avec des points plus généraux. Il dit, أولا الاختلاف في الدين. Ça c'est la division ou la divergence en religion. Ka الاختلاف في العبادة العقيدة هذا اختلاف مذموم ومحرم لأن الدين ليس مجالا للاجتهاد. Donc la première chose c'est la divergence qui a lieu dans la religion, qui a lieu dans les actes d'adoration, qui a lieu dans la croyance. Ça, c'est une divergence qui est blâmée et qui est interdite. Car la religion ne laisse pas la place dans ce genre de point à l'ijtihad. Ce qui touche à la croyance, cela ne vient pas ton ijtihad à toi. Comme adorer Allah, ça ne vient pas ton ijtihad à toi. D'accord? Et les règles de la religion ne viennent pas de l'ijtihad à toi. Ça vient d'un texte, un nos, hadatu qifi. Donc, si le texte il est là, on n'a pas divergé. فقال العقيدة توقيفية لا مجال لها للاجتهاد علينا أن نتمسك بما شرح الله لنا من الدين ومن العقيدة دون أن نتدخل بآرائنا واجتهاداتنا. Donc la aqida est tawqifiyya. Il n'y a pas de place dans l'ijtihad. On ne parle pas sur Allah de nous-mêmes. On ne parle pas sur le ilm al-ghayb de nous-mêmes. On ne parle pas sur des choses qui sont arrivées antérieurement de nous-mêmes. Toutes ces choses-là. Le tawhid, on n'invente rien de nous-mêmes. Des choses qui n'ont pas la place à l'ijtihad. Ni aux avis, aux opinions. Wa qala kathalika al-ibada. Ibada tawqifiyya. ما جاء به دليل علمنا عملنا به وما ليس عليه دليل فإنه بدعة يجب علينا تركه لحديث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. Donc il dit l'ibada c'est pareil, elles sont tawqifiyya. Toute ibada qui est basée sur un dalil, on l'accepte, on l'apprend et on l'applique. Et celle qui ne l'est pas, elle est considérée comme étant une bid'a, une innovation. On doit la délaisser, se basant sur le hadith de Aïcha. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui innove dans notre affaire, ce qui n'en fait pas partie, cela est rejeté. Wa al-zalika. Thumma qal, al-qismu thani, al-ikhtilafi ma li ray fihi majal. Deuxième chose, c'est la divergence dans ce quoi qui, dans ce, dans les points sur lesquels les avis ont leur place. Dans les choses dans lesquelles la divergence, l'ijtihad est permis. Dans les masales de fiqh. Par exemple, dans les déductions des règles. Basées sur des adillah. D'accord? Car les gens n'ont pas tous la même compréhension. Des fois, un texte peut être interprété de plusieurs façons. Cela peut arriver. Donc de là, une divergence peut se poser. Et il y a des points sur lesquels divergences sont acceptées dans le sens où on ne blâme pas l'opposant. Et ça rentre pas dans l'aqida, et ça rentre pas dans les choses qui ont un texte clair à l'appui. Puis par la suite, il cita ce qui touche justement au mazahib, ou à quoi des aïmmat fi mazahib. Les imams dans les mazahib, yani que ces gens-là, rahimahumullah, n'ont jamais appelé à ce que les gens les suivent. Donc là, il dit, celui qui est Hanbali, s'il voit une preuve chez le Shafi'i, il doit la prendre. Celui qui est Shafi'i, s'il voit une preuve chez le Hanafi, il doit la prendre. Celui qui est Hanafi, s'il voit une preuve chez le Maliki, il doit la prendre. Ainsi de suite. Il ne doit pas se fermer à son mazhab, il doit suivre le dalil où qu'il soit. Et c'est à ça qu'ont appelé, justement, hein, les imams des mazahib. À ne pas le suivre eux en leur personne, mais de suivre la vérité et le dalil. Naam. Puis, par la suite, il y a certains points qui sont discutables. Donc là, pour pas avoir à faire le tachouich, on va pas les évoquer. Pour pas sortir le sujet. Toujours lié au mazahib. D'accord? Car tout le monde n'est pas sur le même avis par rapport à ces mazahib. Au fait de s'y apparenter, de les suivre, aurait des alikas. Quoi qu'il en soit, le fait de ne pas suivre un mazahib ne veut pas dire qu'on n'a pas d'amour pour l'imam Ahmed, pour l'imam Malik, l'imam Shafi'i, aurait des alikas. Sûrement pas. Sûrement pas. Ces gens-là ne vont pas appeler à suivre leur personne. Si le haq est avec l'imam Ahmed, on le prend. Si le haq est avec l'imam Fulani, on le prend. Et le fait de ne pas porter son nom n'est pas un rejet de sa personne. Sûrement pas. À ne pas se méprendre sur cela. Des gens s'imaginent que du fait qu'on ne veut pas s'adapter, s'apparenter à madhab, ça veut dire qu'on n'aime pas les imams. Non. Ou qu'on n'en connaît pas leurs efforts, leur compréhension. Non, ou leur science. Non. On l'a répété plus d'une fois. Que le fait de s'apparenter à un homme ne fait pas partie de la religion. On s'apparente au ménage des salafs à la wajil al-umum. C'est là-dessus que les adilés sont venus. Taïeb, et des ulama ont bien cité que le fait de s'apparenter à des hommes, cela est de la bid'a. Car les salafs n'étaient pas là-dessus. Les sahaba ne sont apparentés à personne. Et les tabi'is ne sont apparentés à personne. Wa al-zalika. Cela est venu après le troisième siècle de vertu. Donc c'est une chose qui n'a pas à la base, qui n'a pas d'origine dans la religion. Après, il y a un khilaf, des ulama le voient, ainsi de suite, comme étant un moyen qui facilite, mais on voit les résultats, ça a porté beaucoup, beaucoup de divisions. Vous voyez? Et des ulama, donc c'est une bida de faire cela. C'est quoi la bida? C'est-à-dire de t'apparenter à un homme et de le suivre que lui. Et de le prendre comme hujja. Pas mal, le prendre comme argument. Ce sur quoi étaient beaucoup des gens des mazahib, على الأسف. طيب. Donc là, on a pris la deuxième mas'ala qui est la division en religion, que celle-ci était un point, une caractéristique des gens de la jahiliya. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a interdit de nous diviser en religion. Il nous est obligatoire de suivre les preuves qui sont le kitab wa sunnah à la fin de salaf al-salih. C'est celle-ci qu'on doit se finir. Et les divergences internes sur lesquelles il y a les textes sont interprétables de différentes compréhensions, azama fi shay. Mais les divisions qui sont basées sur une interprétation erronée d'un texte, un dalil clair, mais celui qui est d'un avis s'oppose à ce texte, là c'est une division qui est blâmable. Pourquoi? Car il s'oppose au dalil. On a un hadith, on a un verset clair qui dit telle chose est permise, il dit non, elle est interdite. Ou le contraire, quelqu'un qui vient, on a un texte qui dit telle chose est interdite, il vient et dit non, c'est permis. Et il n'a aucune preuve, il n'a que un ijtihad de sa part, cet ijtihad s'oppose à un texte clair, qui n'est pas de place à l'interprétation. Ça, c'est blâmable, malheureusement. Et le savant lui-même n'est pas un argument. Le savant appelle à suivre le dalil. La différence qu'il y a, c'est que le savant connaît le dalil et sait comment comprendre le dalil, plus que les autres. Ava. Tamam. Fabien Dalcom, Naptafi, Wanakul, Alhamdulillah, Rabbil Alamin.